J'étais venu en caisse pour entrer à mon heure, éviter le 22 mai, c'est le retour à plusieurs. Les amis de mes amis ne sont pas toujours les miens, j'avais pas bien senti le Marc est musicien. On était une dizaine autour d'un pack de bière sur les bords de la Seine, Marc nous chantait Prévert. Elle était toute seule, assise en tailleur, à regarder le fleuve plutôt que le dit chanteur. Voulais un pullover, j'en avais dans mon coffre, janvier de ma peau, un berbe, tous les moutons d'Écosse. Elle m'a dit s'il te plaît, je lui dis si tu veux, elle m'a dit le moins laid, je lui ai donné le mieux. Si elle ne sait pas ce que je ferais pour elle, si je reste muet comme au concert de Poël. Allez, je me lance avant que Marc n'arrive, parce que moi, la musique, j'assure pas une bille. Nous voilà sur ce bout de scène et nous partageons des douces caresses et puis nous contemplons au loin, derrière les toits, Marc flottant autour d'un pack de bière. C'est étrange qu'une histoire de pullover puisse rendre à l'Écosse sa dignité et laisser un souvenir sans crainte à tes souris si tendres. T'es venu en caisse pour entrer à ton heure, t'offrir un 22 mai, c'est le retour à plusieurs. C'est fou ce que Prévert peut retourner une vie sur les bords de la Seine, mes idéaux ont fui. Je sais pas ce que je t'ai dit, tu m'as volé mes mots, tu étais si jolie que j'en avais froid dans le dos. J'en avais froid dans le dos.